Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, le procès des attentats du 7 janvier 2015, un procès pour l'histoire. Le procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher s'est ouvert hier matin à Paris. C'est le premier procès pour terrorisme qui sera filmé en France. À la une ce matin, un procès filmé pour l'histoire, celui des attentats de janvier 2015. 14 personnes comparaissent dès ce matin à Paris, soupçonnées d'avoir aidé les terroristes qui ont décimé la rédaction de Charlie Hebdo, abattu un policier à terre dans leur fuite, puis une policière à Montrouge avant de prendre en otage les clients et le personnel de l'Hypercacher porte de Vincennes à Paris. Qu'est-ce qui donne son caractère historique à ce procès? L'émotion, bien sûr, l'ampleur de l'événement et le nombre de victimes ont marqué tous les esprits. Mais il ne s'agit pas d'une décision d'initiative médiatique qui répondrait à la nécessité d'une thérapie collective. C'est une demande de l'appareil judiciaire lui-même, une demande du PNAT, le Parquet National Antiterroriste. Filmer ce procès, c'est l'inscrire au titre des événements qui ont marqué l'histoire nationale, c'est en faire un événement en soi, un autre récit, une mémoire cognitive et visuelle renouvelée d'un événement vécu dans le passé. Ces procès, conservés dans leur intégralité, sont peu nombreux. On en comptait 13 à ce jour et leur captation est rendue possible grâce à une loi que l'on doit largement à Robert Badinter qui expliquait à la veille du procès Klaus Barbie en 1987 pourquoi ces tournages dans les tribunaux reposaient finalement sur un constat de perte déjà irréparable des traces du passé. Historiquement, nous n'avons pas les éléments que nous aurions pu conserver. Quel dommage que l'on n'ait pas la voix de Léon Blum au procès Pétain. Quel dommage qu'on n'entende pas Laval au début de son procès, se défendant lui-même. Quel dommage qu'on n'ait pas conservé l'enregistrement du colonel Argout au moment du procès des barricades. Enfin, les archives judiciaires sont vides parce que l'on ne s'est pas assez soucié de voir comment l'on pouvait réussir à conserver des documents sonores ou visuels suffisants. Ce sont les attentats jugés en ce moment, ceux de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et de Montrouge, qui font date aujourd'hui. Ils incarnent ce qu'on admet largement comme un traumatisme national qui légitime cette inscription au titre de notre patrimoine historique. C'est un fait cruellement saillant, mais cela nomme-t-il avec pertinence cette séquence historique de vagues d'attentats qui ont frappé la France à cette période-là? En 2017, lorsqu'une des parties civiles du procès des complices de Mohamed Merah a demandé un dispositif d'enregistrement audiovisuel similaire, elle s'est affrontée à un refus. Il n'y avait pas de caractère historique à cet événement-là. Pourtant, n'est-ce pas à Toulouse et Montauban, en mars 2012, avec 7 morts, dont 3 enfants devant une école juive, que commence la série d'attentats qui nous a touchés? Marceline Loridan-Evans pointait, avec la liberté de parole qui la caractérisait si bien, cette relégation de l'attentat de Toulouse. C'était sur France Inter, le 27 janvier 2015. Vous croyez que les Français seraient descendus dans la rue si on n'avait tué que des Juifs il y a 15 jours? Non. L'ampleur des attentats du 7 janvier 2015 est indubitable, mais n'est-ce pas à Toulouse 3 ans plus tôt que commence leur histoire? Celle du deuil, de l'effroi et de l'indignation. C'est bien la succession de ces épisodes de violence qui instaure le climat de notre histoire au cours de ces années-là. Le procès de l'attentat de Toulouse a eu lieu, celui des attentats de janvier 2015 est en cours et en 2021 commencera celui du 13 novembre, dont celui du Bataclan. Chaque procès fait l'objet d'un traitement différencié en fonction aussi des stratégies choisies par la défense et l'accusation dans l'intérêt de ceux qu'elles représentent. Ne confondons pas la chronologie historique de nos émotions et la chronologie judiciaire au risque de réécrire l'histoire en toute injustice. Merci beaucoup Anaïs pour cette mise au point. On retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur notre site internet franceculture.fr.